Amende, violence gratuite, il faut que ça s'arrête. Perdre la vie pour un coup de cheat, il faut que ça s'arrête. Les gosses grandissent trop vite, il faut que ça s'arrête. Le respect a pris la fuite, il faut que ça s'arrête. Trop de sang a coulé, de familles endeuillées, de jeunes filles envolées pour un habit, un billet. Tant de raisons perdre la vie, alors pourquoi en rajouter? Deux MC donnent leur avis à ceux qui voudront les écouter. Narcos et le rack reviennent mettre les pieds dans le plat. Parler de ces mecs qui plaisantent pas, qui aiment mettre l'épée dans le tas. Pour un rien vont cartonner, s'ils dépassent ton porte-monnaie ou que tu leur claques la porte au nez, viendront jamais se faire pardonner. J'en ai marre de cette mode qu'un jeune décède pour un iPod. Dans les rues de nos métropoles se joue toujours le même épisode, celui de la violence gratuite. T'es tout seul, ils sont 8, impossible tu les évites. C'est trop tard pour courir vite. Ça se passe à Montpellier mais aussi dans ta ville. Ça touche même les villages, partout ça se croit dans Daredevil. Y'a pas de vie, on a perdu tout art de vivre. Dans la street, le vice est roi et la gangrène est viscérale. Les gangrènes dans tes fantasmes, les gamins rêvent de carcéral. Peu résiste, carcéral, l'exemple est celui qui s'égare. La génération qui me suit m'effare, tout de suite sans effort. Manque de respect à notre égard, et ça sous toutes ses formes. Pour un mauvais regard, tu manges un coup de cruciforme. Revenir au vrai bagarre, j'y ai crucifort. C'est fini la loyale, maintenant c'est battle royale. Enfouraillé jusqu'au trou de balle, et d'humeur bestiale au lieu de pétale. L'état, les kiff des les médias, pour ensemble foncer dans le tas, réagir dans l'immédiat. On est plus nombreux qu'eux, ils nous ont imbriqués. Pour qu'on soit à l'ombre d'eux, croyant qu'on n'a pas à les briquer. Mais dans leur cerveau étriqué, ils ne pensent qu'à sniquer. Ramener une tête sur un piqué, impossible de communiquer. Moi j'ignore ces provoques, j'avance sans secret. Ce sera pas moi devant le proc, ni dans la rubrique fait divers. En mode violence gratuite, il faut que ça s'arrête. Faire la vie pour un bout de shit, il faut que ça s'arrête. Les gosses grandissent trop vite, il faut que ça s'arrête. Le respect a pris la fuite, il faut que ça s'arrête. Trop de sang a coulé, de familles endeuillées, de jeunes filles envolées pour un habit, un billet. Tant de raisons de perdre la vie, alors pourquoi en rajouter? Deux MC donnent leur avis à ceux qui voudront les écouter. Ne crois-tu pas qu'il y a assez de violence? Ne crois-tu pas qu'il faut que ça cesse? Les coups, tu les encaisses jusqu'au jour où ça finira mal. Personne n'est éternel, éteins la flamme de la haine qui brûle en toi. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Les embrouilles, les bagarres sont trop banales. C'est partout la même, de Mio à Paname. Pas besoin de vivre dans des lieux soi-disant chauds pour te faire refroidir ou juste te prendre cher. Frère, il faut que ça stoppe, triste époque. Les jeunes font les racailles par fierté et seraient prêts à faire mal. Y'a danger, faut changer, arrêtez de foncer. Tête baissée pour baiser ou se faire baiser. Mais putain, je connais trop ça. Violence, droite, paf et paf. Sortie de boîte, fête et même au taf. C'est partout que ça part en couille. Pour un rien, y'a embrouille. Esquiver n'a pas rapport à la trouille. N'est plus l'âge de patte, n'est plus un menu. Y'a tout au menu. Du gros à Paris au menu, c'est une manie. Tous veulent se niquer, mais sans les manix. Et je veux que ça s'arrête. Faire des fêtes sans coup de savate. Ça me lasse sans doute, j'ai hâte de pouvoir vivre en paix. Marcher qu'il trempe sans se retourner. Mais dans ma vie, tant de raisons de flipper. Nulle part t'es à l'abri. Les coups partent et les coupables n'en paieront pas le prix. Faut que ça s'arrête. À la mémoire de tous les disparus, victimes de la violence gratuite. Victimes de la violence gratuite. 1, 9, 8, 7, 2, 0, 1, 0. Narcos et le rack. Sergio Prod. En mode violence gratuite, il faut que ça s'arrête. Perdre la vie pour un bout de shit, il faut que ça s'arrête. Les gosses grandissent trop vite, il faut que ça s'arrête. Le respect a pris la fuite, il faut que ça s'arrête. Trop de sang a coulé, de familles endeuillées, de jeunes filles envolées pour un habit, un billet. Tant de raisons de perdre la vie, alors pourquoi en rajouter? Deux MC donnent leur avis à ceux qui voudront les écouter. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête.